Hello, hello, hello, bienvenue sur 80s Lost Songs, le podcast qui part à la chasse de ces trésors musicaux perdus des années 80. Un petit épisode bonus pour cette pause estivale, on est en plein été. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous passez de bonnes vacances si c'est le cas, ou si vous êtes dans le mien, dans mon cas, que vous supportez la chaleur, si c'est le cas, dans votre travail. En tout cas, bon courage à vous si vous bossez cet été. Vous êtes très très courageux, nous sommes courageux, on va le dire. Mais bon, je voulais vous glisser un petit épisode musical, bonus, comme je le fais pour la troisième fois en fait. C'est un bonus qui s'appelle Face B. Les connaisseurs de mon podcast savent de quoi, à quoi je fais allusion. C'est un épisode qui a beaucoup d'écoute quand je regarde les stats sur les quelques plateformes d'écoute comme Spotify par exemple ou Apple Podcast. C'est un épisode qui marche bien, peut-être parce que les chansons sont toutes méconnues. Cela permet une totale découverte en général, sauf si on avait acheté les vinyles singles à l'époque. Donc si vous êtes de ma génération, bien entendu, je ne parle pas des plus jeunes, quoique les plus jeunes peuvent retrouver les vinyles de leurs parents, parce que peut-être leurs parents ont mon âge, je ne sais pas. Donc voilà, et donc ça, en quoi consiste Face B hein, pour ceux qui découvrent le podcast? En fait, j'ai sélectionné 15 chansons que je vous ai déjà présentées dans le podcast, hein. Donc ce sont des chansons sur lesquelles j'ai fait un focus à un moment donné, depuis l'existence de mon podcast, à un moment donné, il a un épisode qui lui est consacré, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, parce que maintenant peut-être que est-ce que cela se fait encore? Oui, il y a encore des CD qui se vendent. Enfin non, pas des singles, je ne sais pas. Enfin bref, à l'époque, lorsqu'un vinyle sortait, il avait une face A, qui était la face où il y avait le single principal, et la face B, l'autre côté, lorsqu'on retournait le vinyle pour écouter la chanson qui était derrière, en quelque sorte. Et souvent, sur cette face B, il y avait une autre chanson, bien entendu. Et quelle était cette chanson? Alors, il y avait plusieurs possibilités. Bien souvent, c'était une version instrumentale de la version single. Donc voilà, c'était le moins intéressant comme cas, je dirais. Il y avait parfois des remixes aussi, des remixes avec une version soit un peu plus longue ou avec des ajouts instrumentaux. Enfin, vous savez ce que c'est un remix. Ou alors la même chanson en une autre langue. Je vous en ai déjà parlé dans le podcast, par exemple, avec, allez, de mémoire, Eight Wonder, I'm Not Scared, ou sa face B, c'est J'ai Pas Peur. C'est la même chanson, mais en version française, par exemple. Et il y a des cas, et c'est là où cela va nous intéresser aujourd'hui, où la face B était un autre single qui n'avait rien à voir avec le premier single. Alors bien souvent, même je dirais presque quasiment tout le temps, c'était un single qui était issu du même album, un single qui n'est pas commercialisé en single. Quoique, il y a des exceptions. Alors je vais vous parler par exemple de Paula Abdul, Straight Up, ou sa face B lorsque Straight Up sort. C'était Cold Hearted, mon anglais à deux balles, en fait, hein, qui était un autre de ses prochains singles. Voilà, mais aujourd'hui, je ne vais vous diffuser que les faces B de chansons inédites qui ne sont pas sorties en single et qui étaient certes peut-être dans les albums respectifs, mais qui ne sont pas des remixes et pas de version instrumentale. Voilà, donc ce sera que des chansons nouvelles, sauf si bien entendu vous aviez les singles à l'époque, hein, des chansons qui seront concernées. Mais je pense que cela vous plaira de les réentendre. Et vous allez vous rendre compte que bien souvent, la face B n'a aucune similitude avec la face A. Souvent, lorsqu'on a une chanson qui était très commerciale, qui faisait du boum boum, qui était qui rentrait direct dans l'oreille, mais souvent la face B, elle déroutait parce qu'elle n'avait rien à voir avec la face A. Mais c'est ce que je trouve intéressant parce que cela montrait ce que pouvait chanter l'artiste, en quelque sorte, du single en question. Voilà en gros donc ce que va être l'épisode. Donc bien entendu, entre chaque chanson, je vous annonce le titre. Bien entendu, hein, je ne vous laisse pas comme cela à l'aveugle. Et on va commencer avec le premier titre qui est de Bonnie Tyler. Souvenez-vous, dans l'épisode 41, je vous avais présenté le single If You Were a Woman and I Was a Man, qui a d'ailleurs été censuré par Spotify. Hein, ils me l'ont supprimé. Et j'ai dû le re-upload une nouvelle fois. Et là, pour le moment, il passe. C'est pour cela que si vous regardez la tracklist de mon podcast 80s Lost Songs, vous allez, enfin ceux qui ne sont pas sur Spotify, qui m'écoutent ailleurs, ils vont voir apparaître le titre Bonnie Tyler, If You Were a Woman and I Was a Man, apparaître deux fois. Ce n'est pas un bug, c'est parce que j'ai dû le re-upload, et ce n'est pas le seul cas, hein. Il y a eu SXPOS et Frida, je crois, de mémoire, et il y a une quatrième, je ne sais plus lequel. Enfin voilà, donc lorsque vous voyez un titre qui est cité deux fois, c'est parce que j'ai fait exprès rien que pour Spotify, de retenter de le remettre dans la tracklist. Pour l'instant, ça tient. On verra si vont me le resupprimer une nouvelle fois. Parce qu'il y a malheureusement, enfin, ou heureusement, non, je ne devrais pas dire malheureusement, beaucoup m'écoutent via Spotify. C'est d'ailleurs là où j'ai le plus d'écoute. Et je vous remercie d'ailleurs à tous ceux qui m'écoutent. Et dernier truc avant de commencer, je remercie à ceux qui me soutiennent via le Tipeee. Donc, grâce à vous, cela me permet de payer l'abonnement annuel pour l'hébergement de mon podcast. Et d'ailleurs, je remercie particulièrement Sof, qui a donné la plus grosse contribution, qui lui permet de choisir un titre pour lequel je vais traiter. Justement, ton titre, que tu m'as donné d'ailleurs, hein, on en a discuté, je le diffuserai, si tout va bien, à la rentrée, durant le mois de septembre. Je ne sais pas si ce sera le deuxième ou troisième épisode de septembre, on verra. Mais ça sera dans septembre, si tout va bien, mais t'inquiète pas. Et il est inséré dans le planning, voilà. Donc, merci encore à toi, Sof, et n'hésitez pas, hein, si vous voulez me soutenir, bien entendu, dans les notes de cet épisode, il y a tous les liens, et je m'arrête de parler du hors-sujet, on va se concentrer dans le vif du sujet, on va commencer donc avec Bonnie Tyler. C'était donc son épisode 41, je vous ai parlé de « If you were a woman and I was a man », et justement, sa face B, c'était un single qui s'appelle « Under Suspicion ». You think you're pretty smart, but I can see right through your disguise. Voilà, donc là, ça reste toujours de la scène pop, mais avec une bonne pointe de rock, hein, ce qui était l'univers, de toute façon, de Bonnie Tyler. Et on poursuit avec le second single que j'ai sélectionné pour vous, enfin, single, la seconde face B. Attention, hein, ils ne sont pas sortis en single officiel, je vous le rappelle. Et d'ailleurs, petite parenthèse encore, je fais beaucoup de parenthèses. Souvent, le pays où t'es vendu le single, ce n'était pas la même face B qu'on avait droit, ce qui permettait aux collectionneurs de les acheter à distance pour avoir toutes les versions possibles. Moi, en général, hein, je vous sélectionne celles qu'on avait en Europe, en tout cas. Voilà, donc on poursuit avec le second titre. Je vous avais présenté le titre « Feel the Heat » d'un certain Jean Beauvoir. C'était en l'épisode numéro 51. Et donc là, pour sa face B, alors n'hésitez pas à réécouter les épisodes, hein, je fais exprès de vous donner le numéro, si vous avez oublié de qui je vous parle, je ne vais pas vous remettre à chaque fois les chansons, pour ne pas faire de la redite, mais donc là, pour sa face B, c'était un titre de 86 au passage, et d'ailleurs Bonnie Tyler aussi c'était 86. Hein. Donc la face B, c'est une balade rock, je dirais, donc un peu plus calme que son Feel the Heat, c'est le titre Standing in the Line of Fire, que je vous propose d'écouter tout de suite. Poursuivons avec une grande chanteuse américaine qui a un grand frère très très très très très célèbre et qui était souvent comparé à lui. Je veux bien sûr parler de Janet Jackson qui sortait Nasty et que je vous ai présenté dans l'épisode 54, un titre encore de 86 et sa face B qui est un titre très funky par rapport à Nasty, c'est le morceau You'll Never Find a Love Like Mine, tu ne trouveras jamais un amour comme le mien. Allez, on l'écoute, c'est parti. Là, on va s'attarder à un titre français, un single français qui était évoqué dans le podcast dans un épisode French Touch. Alors, je ne sais pas, enfin, pour les anciens peut-être vous en rappelez, mais pour les nouveaux, French Touch, c'est un épisode où je réunis 9 singles, où je m'attarde sur 9 singles différents, où je ne vous mets pas cette fois-ci les versions longues, mais les versions classiques, hein, version radio. Donc là, je réunissais 9 singles français. D'ailleurs, il faudrait que j'en refasse un quatrième parce que j'ai déjà fait 3 French Touch. Ce qui fait que je vous ai présenté 3 fois 9, 18 chansons françaises dans le podcast. Mais je vais essayer à la rentrée de faire un quatrième French Touch, pourquoi pas. Parce que c'est des épisodes aussi qui marchent bien en termes d'audience. J'ai remarqué que les épisodes longs fonctionnent dans ce podcast. Hein. Mais bon, donc je vais quand même garder ma ligne éditoriale, les épisodes courts sur une chanson. Donc en essayant de ne pas dépasser 30 minutes, sauf pour les bonus comme Face B ou les French Touch. Et là, justement, je vous présentais dans cet épisode 62, qui était donc la French Touch Part 3, il y avait un titre de Jean-Pierre Madère, Disparu, qui date de 84. Et d'ailleurs, il se faisait appeler à ce moment-là Madère, tout simplement son nom de famille. Et sur sa Face B, donc, c'est une petite chanson assez courte, je dirais, qui s'intitule Thème Astral. Juste une heure a suffi pour connaître ma vie. C'est une chanson qui reste très marquée dans son temps, mais que moi, personnellement, ne me dérange pas à l'écoute. Mais je pense que pour les plus jeunes, cela pourrait faire assez vieillot, peut-être. Je ne sais pas. À vous de me le dire. Donc là, dans l'épisode 66, je vous avais présenté une chanson d'un duo féminin, Pepsi and Charlie, vous savez, les deux nanas qui avaient bossé avec le groupe Wham, le groupe du regretté George Michael. Et donc, dans la chanson que je vous avais sélectionnée pour vous, c'était Heartache, donc, qui date de 86. 86, c'est une bonne année hein, dans les années 80 où il y a eu beaucoup de bonne musique. Hein. Je crois que l'année que je vous ai le plus présentée dans le podcast. Et donc, leur chanson Face B, qui est sur la face B, qui c'est une chanson assez pop, synth pop, très très sympathique à écouter, je l'espère pour vous, qui s'intitule Surrender. Somebody Une autre chanson que je vous avais présentée dans le French Touch où il y avait Madère, donc épisode 62, c'était le fameux Vélo Moteur des Calamités. Donc un groupe féminin, enfin ils étaient 4 au début, après 3, après 2, donc qui sortait en 87, donc leur fameux Vélo Moteur. Eh bien, en face B, il y avait une très très courte chanson qui ne dépasse même pas 2 minutes, qui s'intitule « J'en ferai bien mon 4 heures ». Donc cela reste du rock, mais totalement dénué de synth-pop. Hein. C'est vraiment basique hein, comme musique, comme instrument, vous allez voir. Et cela met en avant justement les voix et les paroles, je pense, je dirais. Donc « J'en ferai bien mon 4 heures » du groupe Les Calamités. Histoire de perdre quelques kilos, je commençais à me demander si c'était vraiment une bonne idée. Quand soudain je l'ai vu juste au coin de la rue. Il était dans le magasin, juste au milieu des petits pains. J'ai senti qu'il me regardait. Était-ce moi? Non, c'est vrai. Oh oui, à la bonne heure, j'en ferai bien mon 4 heures. Tu es la crème des crèmes, et c'est pour ça que je t'aime. Chantilly et chocolat, ce gâteau-là, il est pour moi. La la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la. Mais je ne suis pas seule sous ton charme, il y a autour de moi toutes ces dames. Laquelle d'entre nous aura l'honneur de te croquer mon petit cœur? Oh oui, j'en ai bien peur, elle ferait bien de toi leurs 4 heures. Tu es la crème des crèmes, et c'est pour ça que je t'aime. Chantilly et chocolat, ce gâteau-là, il est pour moi. La la la la la la, la la la la la la, la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Souvenez-vous, dans l'épisode 68, je vous présentais une autre rockeuse avec Love is a Battlefield de Pat Benatar, qui se faisait appeler à ce moment-là tout simplement Benatar, hein. C'est un peu comme Madère d'ailleurs, que leur nom de scène c'était leur nom de famille tout simplement. Donc 83 cette chanson, et en face B dans la version européenne, parce que la version américaine et même ailleurs il y avait d'autres face B, donc j'ai choisi celle qui était sortie dans notre continent, en Europe on va dire. Donc c'est le morceau Hell is for Children, l'enfer est pour les enfants. Brutal abusing. They blacken your eyes and then apologize. Be daddy's good girl and don't tell mommy a thing. Be a good little boy and you'll get a new toy till grandma you fell off the swing. French Touch. Alors oui, la chanson de Pat Benatar, hein, vous avez vu, ça reste toujours très rock. Mais là, on va revenir sur une chanson française. On va y revenir plusieurs fois, bien entendu. Donc là, c'était avec Mylène Farmer, hein, que je vous ai quand même présenté une de ses chansons dans le podcast. C'est normal, elle a marqué les années 80. Et donc, la chanson que j'avais choisie pour vous, c'était Sans Logique. Hein, vous savez, le fameux clip, hein, qui était censuré, où elle incarnait un taureau sanguinaire qui tue son compagnon lorsqu'elle était possédée. Il suffit de voir le clip, hein, il est vraiment marquant pour l'époque en tout cas. C'était un très très très bon clip qui m'a marqué personnellement. Et d'ailleurs, même sur la pochette du vinyle, elle a une larme de sang, donc elle était très portée dans le truc un peu horrifique. Et donc sa face B, c'est une ballade assez mélancolique, pour ne pas changer, qui s'intitule « Dernier sourire ». Comprendre, parle-moi encore. de ce tunnel. Sais-tu l'espoir quand jaillit la lumière? Ton souvenir ne cessera jamais de remuer à couteau dans mon plaid. Dans l'épisode numéro 69, je vous présentais l'excellent single Pi Machinery du groupe Propaganda, qui possède un très bon face B si on aime le Pi Machinery, parce qu'elle conserve un petit peu l'âme sonore, je dirais, un petit peu le même habillage, même si c'est une autre chanson que Pi Machinery. C'est le très bon, je pense, je dirais, morceau qui s'intitule Frozen Faces. Thank you. Allez, on continue avec de la variété française, avec un épisode issu de l'épisode 62 de La French Touch, comme toujours. C'est la chanteuse Caroline Grimm. Vous savez, elle avait chanté La vie sans toi en 1985. Son deuxième morceau, sa face B donc toujours, qui est assez court, je dirais, s'intitule Un mot de trop, et vous allez voir qu'on retrouve sa voix cassée qui lui est propre, qui est très caractéristique à cette chanteuse. Elle a sa propre signature vocale avec cette voix cassée, je dirais plutôt, et que j'apprécie beaucoup. Allez, c'est Un mot de trop de Caroline Grimm, sorti en 85. peut pas trouver mieux pour se quitter que le mot adieu. Un mot de trop a tout changé dans l'eau. Maintenant, nous allons changer carrément de style, même par rapport à la version single de l'interprète en question, puisqu'on va s'orienter vers du jazz. Du jazz, c'est vraiment c'est l'extrémité qui n'a rien à voir avec... C'est l'opposé, je dirais, avec la synth-pop, tout simplement. Alors que la version single, c'est plus synthé, plus freestyle, plus disco. C'est une chanteuse que je vous ai présentée dans l'épisode 70, une certaine Lolita Holloway, avec son très magnifique titre, Crash Goes Love. Souvenez-vous, hein, je vous avais parlé que c'était la voix de Black Box Wide on Time, qui avait été samplée, volée hein, par les producteurs italiens de ce groupe. Et donc, en face B, Lolita Holloway, lorsqu'elle sortait son Crash Goes Love en 84, elle y avait mis son magnifique titre, un jazz, si on aime le jazz en tout cas, une ballade, hein, même qui est plus ballade jazz, qui s'intitule Sweet Thing. Shame. I don't want your mind. you're my sweet thing. Yes, you are. Oh, baby, you're my everything. Oh, you're my sweet thing. And you. You know that just like I do. That's one thing I like about our situation. We have learned to hang on anyway. And I'm so glad I feel the way I do about you. Because I need you so much, and I know you need me. I need you so much until you. You are my babe, you are my fire. You make me so weak, oh, with strong desire. Don't you hear me? Don't you hear me talking, babe? Come on, rock me now. Oh, that's what you are. You make my heart just sing. And I can't help myself sometimes. You make me feel so good. And I know there are a whole lot of my girlfriends and a whole lot of your friends. They envy us. But you know what? I just wish they could have what we have. It's just so sweet and it feels so good. Honey, I'm giving it back. No, baby, you love me so good. Oh, baby. That's why I just have to love your back sometimes. You're my everything. You're my everything. You're my everything. Yeah. You're my sweet thing. You're my sunshine. That's why I can just stand here and tell it to y'all all day long. Retour à la pop française avec une Lolita de l'époque, Vanessa Paradis, qui sortait en 88, Marilyn et John, que je vous ai présenté dans le French Touch, donc épisode 62 toujours. Sur sa face B, il y avait une très jolie, oui, je dirais, chanson pop qui s'intitule Soldat, qui garde un petit peu le même style qu'elle avait à l'époque, hein. C'est du Vanessa Paradis, vous allez vous en rendre compte par vous-même, et que je vous propose donc d'écouter tout de suite Soldat de Vanessa Paradis. Soldat, prêt au combat. Dans l'épisode numéro 72, je vous présentais un groupe norvégien, un trio, qui faisait tomber les filles à l'époque. C'était le groupe AA, avec leur excellent single Hunting High and Low, dont le clip faisait frissonner d'ailleurs. Et donc, en face B, alors c'est assez particulier parce que ils ont mis leur chanson The Blue Sky, mais en démo version. Donc The Blue Sky, qui n'est pas un single, hein, qui fait partie d'un de leurs albums. Et donc, je vous propose d'écouter la démo version plutôt que la version finale, parce que c'était celle-là qui était vraiment mise en face B de ce single Hunting High and Low. Donc The Blue Sky, démo version du groupe AA, donc, qui est sorti en 1986. Et maintenant, si je vous dis une Belge qui a gagné l'Eurovision pour la Belgique en 86, vous savez que je vous parle de Sandra Kim, où je vous présentais son titre, justement, qui a participé à ce fameux concours, J'aime la vie, vous savez, j'aime la vie, donc il date de 86, et justement, sur la face B, un titre un petit peu plus long que la version, que le single J'aime la vie, qui s'intitule Ne m'oublie pas. Tu lâches tout. toujours anxieuse quand je me maquille. Qu'est-ce que tu vas penser de moi? Une belle et sympathique balade hein, que vous venez d'écouter, qui n'a rien à voir avec le rythme de la version de J'aime la vie. Et donc là, on va retrouver un titre en anglais. Je vais vous présenter une chanteuse d'un groupe iconique suédois, ABBA. Vous savez, je vous avais présenté le single d'une des deux chanteuses, Frida, I Know There's Something Going On, un titre qui a d'ailleurs été repris en Eurodance par Coro. Donc elle nous sortait ce titre-là en 1982, c'est un des titres les plus récents de la décennie 80. D'ailleurs, on m'a fait un petit reproche récemment, on m'a dit que je présentais pas beaucoup de titres de 1981 et 82, enfin début. Je vais essayer hein, de m'attarder sur la question, d'ailleurs il y en aura encore, il y en aura, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'il y en a plus vers 85, 86, 87, 88, mais bon, j'ai le temps de faire le tour, je me concentrerai aussi sur cette période, ne vous inquiétez pas. Et donc, sur la phase B, Il y avait une ballade un peu plus rythmée que celle de Sandra Kim, mais ça reste une ballade pop-rock, je dirais pop plutôt. C'est la chanson, le titre, Threnody. Alors Threnody, ça s'écrit T-H-R-E, alors ça se dit Threnody, j'arrive pas à le dire, vous m'avez compris. Donc on s'écoute tout de suite. Et donc voilà pour ce qui était de la sélection du troisième bonus, hein, phase B. J'espère que vous avez apprécié l'écoute. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, ou par message même, ou sur Spotify. Vous savez que vous pouvez laisser des commentaires sur Spotify, mais pas que, hein, sur d'autres plateformes. N'hésitez pas à me dire quelle chanson vous avez préférée dans cette sélection de phase B. Donc moi, j'aime à peu près tout. Je ne vous donnerai pas ma préférence, même si j'en ai une, mais je ne veux pas vous influencer. Et donc, on va faire comme à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les deux autres bonus de phase B, j'avais clôturé l'épisode avec une chanson qui n'est pas une phase B, mais qui est une chanson issue d'une tracklist d'un album, le même à chaque fois, celui de Sandra, qui est en fait Sandra, ma chanteuse préférée des années 80, en quelque sorte. Donc j'ai déjà présenté des singles à elle dans le podcast, hein, comme In the Heat of the Night, Innocent Love, et même plus récemment Little Girl. Et justement, Little Girl et In the Heat of the Night sont issus du même album qu'elle sortait en 85, The Long Play. C'est cet album où il y avait aussi son premier single que je vous présenterai un jour, I'll Never Be Maria Magdalena. Et donc, dans les autres bonus phase B, j'avais clôturé avec deux titres issus de cet album qui ne sont pas sortis en single, à savoir Sisters and Brothers et You and I. Et bien là, j'ai envie de terminer avec un autre titre qui n'est pas connu, donc, hein, sauf si vous aimez Sandra comme moi et que vous aviez l'album, un titre qui n'est pas sorti en single, qui n'a pas été commercialisé, qui est resté que dans l'album. C'est l'excellent et prenant, je dirais. Michael Cretu savait très bien faire de la musique avec la synthé, et Sandra posait magnifiquement sa voix au rythme des mélodies composées par Michael Cretu, qui est devenu son mari par la suite, durant cette période-là. Et donc, c'est l'excellent titre Heartbeat, That's Emotion. Le battement de cœur, c'est l'émotion, en quelque sorte. Je vous laisse découvrir ce morceau si vous ne connaissez pas, et je vous souhaite une bonne fin d'été, profitez-en bien, courage à ceux qui travaillent. Je reviens avec des nouveaux épisodes en septembre, peut-être un French Touch, où je verrai où le caser, un nouveau French Touch, pourquoi pas. Un épisode aussi que Sof, comme je vous l'ai dit, qui a participé au Tipeee, a choisi une chanson que je devrais vous présenter, que j'aime au passage, donc cela tombe bien. Donc, restez abonné au podcast si vous voulez être avisé de mon retour, parce que je n'ai pas la date encore exacte, hein, mais ça sera en septembre, de quand est-ce que je reviendrai. Voilà, donc, mais ça passe très vite, hein, de toute façon, on est vieux maintenant, vous savez que les jours passent très vite, sauf peut-être pour vous les plus jeunes qui m'écoutez. Donc voilà, donc savourez le dernier morceau de cet épisode qui est exquis, et c'est mon préféré de toute façon de la sélection, j'aime toute Sandra, donc logique, hein. Donc, Heartbeat, That's Emotion de 85 de l'album The Long Play de Sandra. C'était Hakim en votre charmante compagnie. Je vous embrasse toutes et tous. Portez-vous tous bien. Et je vous dis à très vite, à très bientôt, dans quelques semaines, mais à très bientôt. Et amusez-vous bien et bonne écoute. À bientôt. Bisous.